Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui un autre humoriste du Braise Comedy Club, Monsieur Gaston. Hello les amis, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va bien. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? J'en ai notamment une avec mon groupe de potes Segala. On a fait notre première... Donc c'est votre trio qui s'appelle comme ça? Voilà, notre trio qui est devenu un duo aujourd'hui parce qu'il y en a un qui est parti. D'accord. Mais à l'époque, voilà, on était trois, c'était notre première de notre premier spectacle, on était trop contents. Et on jouait dans un petit bar où on connaissait la patronne, donc on savait que c'était un public bienveillant et tout, donc voilà, c'était cool. Sauf que ce qu'on n'avait pas calculé, c'est qu'il y avait aussi des gens qui étaient locales et qui, au fur et à mesure du spectacle, étaient bourrés. Très imbibés. Plus ça allait, plus ils étaient imbibés. Oh là là. Et donc, on va dire, sur le spectacle qui durait une heure et demie, on a réussi à les contenir une heure et quart. Ouais. Et le dernier quart d'heure, j'avais l'impression de faire du kayak. Oh là. On a ramé et... Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait une femme qui était là. Je tairai son nom par respect. Oui, bien sûr. Mais voilà, en fait, malgré elle, alors je ne sais pas si c'était parce qu'elle était bourrée que du coup elle avait des prémonitions, j'en sais rien. Mais du coup, en fait, elle nous pétait toutes nos vannes pour la fin. Ah, elle vendait les vannes avant le... Elle nous vendait les vannes juste avant la fin. Donc, du coup, et puis, de toute façon, les 5-10 dernières minutes, plus personne nous écoutait. On était juste nous trois sur scène. Et voilà, mais ça reste un super souvenir. D'accord. On a pris le nom Segala parce qu'on était trois. Il y avait donc Cédric, Gaston, moi-même, et Laurent. Donc et on avait, voilà, on avait pris les deux premières lettres de chacun des prénoms. Bon, on s'appelle toujours Segala, on n'est plus que deux. Ça fait un beau jeu de mots. Quoi. Voilà. Et donc voilà, où il y avait le jeu de mots avec justement c'est qui Segala, justement. Ouais, voilà. Ouais. Malheureusement, Cédric est parti. Il a dû partir travailler à Lisbonne. Donc ça venait un peu loin pour les répètes. Du coup, Gala. Donc on est resté sur Segala, mais ça sera C'. Gala. D'accord. Donc il y aura toujours le jeu de mots. C'est qui Segala? C'est les deux pignoufs qui sont sur scène à essayer de vous faire marrer. D'accord, ok. Et donc, ouais, donc ce jeu de mots, j'imagine que vous l'avez placé dans votre spectacle. Et oui, en fait, à la fin, on s'est tapé un délire un peu en mode boys band. Et donc, on était dans le bon ordre, en fait. Donc, Cédric, moi et Laurent. Et donc, notre vanne de fin était censée être... Cédric faisait « Je suis le C ». Donc, moi, je disais « Je suis le gars » et Laurent disait le « La ». Et on faisait « Segala ». Ouais. Sauf que juste avant qu'on commence, la personne qui était au premier rang, bien bien imbibée de rosé ou de vin blanc, je sais plus, et qui fait « Ah, ça fait Segala !» Et là, on s'est regardé, on fait « Oh, merde !» Juste avant que vous balanciez la vanne. Juste avant qu'on fasse notre petite choré à la con pour expliquer le Segala. Oh là là là. Donc, mais de toute façon, en même temps, plus personne nous écoutait à ce moment-là. C'est pas grave. Ça reste quand même un très très bon souvenir. Ah bah évidemment, bien sûr. Et où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Pour le moment, on n'a plus de date parce que justement, on a dû réadapter le spectacle en duo. Donc avec Laurent, on est toujours sur les répètes. Okay. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Segala qui s'écrit toujours C-E-G-A-L-A. D'accord. Dès qu'on aura des dates, ça sera publié dessus. D'accord. Et vous pouvez éventuellement nous voir sur certaines scènes ouvertes des plateaux d'humoristes comme le Braise Comedy Club, le TTT au Montecito à Nantes. Oui. Tenu par Régine. D'accord. Donc voilà. Okay. Il y en a peut-être un nouveau sur Nantes. Enfin voilà, vous aurez toutes les actus sur la page Facebook Segala. Voilà. Parfait. Mais écoute, pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.